La semaine passée, on va parler de patinage de vitesse. La semaine passée, on a parlé avec Marianne de la Coupe du monde de patinage de vitesse et de ses deux prestations récemment. Là, maintenant, on va parler avec notre autre patineuse saint-physien, Cassandra Bradette. Salut, Cassandra. Salut. Cassandra, est-ce que tu es contente de ta performance lors des premières Coupes du monde? Oui. C'est sûr que j'ai eu... dans le moment, j'ai été déçue parce que j'ai quand même perdu la chance de médaille à Calgary. Mais tu sais, après coup, quand j'ai repensé à tout ce que j'ai réalisé, j'ai tellement travaillé fort cet été sur bien des aspects que j'ai réussi à appliquer, rendu aux Coupes du monde, que tu sais, je pourrais pas être plus contente. J'ai vraiment réalisé des exploits auxquels je m'attendais pas. J'avais pas vraiment d'objectif non plus de position. Ouais. J'arrivais là un peu sans gros objectif. Je savais pas où je me positionnais. Donc pour moi, ce que j'ai réussi à réaliser ces deux fins de semaine-là à Calgary puis à Salt Lake, ben c'est vraiment au-delà de mes attentes. C'est une belle surprise. C'est vraiment une belle application de ce que j'ai travaillé cet été. OK. Puis c'était ta mise en forme, en fait. Tu avais travaillé sur ta mise en forme, hein? C'est ça? La mise en forme, ça, c'est tel que tel. Ouais. C'est comme à chaque saison. Mais tu sais, c'est vraiment la qualité. On a misé beaucoup sur la qualité dans l'entraînement, comme on avait déjà discuté. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup mes départs, je les ai changés. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup au niveau tactique, gérer les courses de l'avant. Et tu sais, tout ce que j'ai travaillé, je l'ai appliqué, puis ça a super bien marché. Fait que oui, je suis satisfaite. Puis ça me permet aussi de voir un peu plus loin pour les prochaines Coupes du monde. Ben, c'est clair. Toi, quand tu y vas, c'est quoi? Parce que je parlais avec mon collaborateur de patinage de vitesse sur Cotopis, et il me disait, ben, normalement, elle vise toujours de faire les finales. C'est à peu près 4-5e. C'est à peu près là. Si tu es à peu près chez les filles, là, c'est à peu près 4-5e. Tu es d'accord avec ça? Oui. Je pense que je suis dans ce bassin-là. Puis, tu sais, je pense, là, présentement, je travaille à justement gagner des finales. Okay. L'objectif, ça va être, c'est l'objectif ultime de gagner dans les finales. Mais, tu sais, je suis bien partie cette année, je pense. Ah oui, c'est clair. Puis, ça va donner de la confiance aussi, là. Oh, oui, tu sais, cette année, les deux premières Coupes du Monde, j'arrivais sur la glace, j'étais confiante. Fait que pour moi, c'est un très bon départ parce que je suis pas la personne la plus confiante. Donc, de partir de cette manière-là, ben c'est gros pour moi. OK. Si on parlait maintenant de la compétition, était vraiment. Est-ce que tu trouves que la compétition est encore plus forte cette année que les autres années? Oui, vraiment. Je sais pas si c'est l'effet de la glace. On était sur deux glaces très, très rapides. Ça fait que les courses sont plus serrées, c'est naturellement comme ça. On va voir de quoi ça va avoir l'air en Asie, mais c'est sûr que plus les jeux approchent, plus les athlètes, ça devient serré. T'sais, les taux sortent tant au niveau canadien qu'au niveau international. C'est normal. C'est à chaque cycle, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des retraites en début de cycle. Après ça, les gens, ça se rapproche, les performances deviennent plus serrées. Okay. C'est ce qui fait aussi que le niveau des courses devient plus intéressant aussi pour notre part. OK. Si on parlait maintenant, là, les qualifications nationales, t'es fait pas, semble-t-il, parce que on s'est texté hier pour séduire l'entrevue, tu me disais non, je les fais pas. Pourtant, on annonçait dans le journal. Non, mais il y a personne. Ouais. Mais on annonçait dans le journal que vous seriez là, Marianne, toi, puis Samuel Girard. Donc, c'est pas vrai, ça, non? Ben, en fait, je suis pas mal surprise que ce soit écrit ça. D'après moi, c'est plus. Moi, l'article que j'ai lu, c'était que on a passé par là, nous autres aussi. OK. Dans le fond, ces qualifications-là, c'est pour faire partie des essais en janvier, les championnats canadiens, desquels nous, on va faire partie. Puis pour dans le fond, les juniors, pour faire les essais juniors. OK. Nous, dans le fond, on n'a pas besoin de se classer pour cette compétition-là. C'est pour ceux qui n'ont pas fait les essais au mois de septembre. Puis, en fait, nous, on part en fin de semaine prochaine pour l'Asie. Donc. OK. L'Asie, comment tu vois ça? Glace différente, ambiance différente. Marianne me contait que en Corée du Sud, c'est le sport national. Tu risques d'être là-bas l'an prochain aux Olympiques. Donc, c'est une belle préparation pour l'équipe canadienne aussi de patiner sur la glace olympique. Ben, oui, c'est ça. Ben, c'est le test even. Dans le fond, on va être dans l'infrastructure des Jeux olympiques. C'est sûr que pour l'instant, ben, j'ai plus d'objectifs que j'en avais pour les deux premières Coupes du monde. Comme je disais, j'ai un peu plus où je me positionne. C'est sûr, je vais arriver avec la mentalité de gagnante. J'ai plus envie de gagner parce que je le sais que tu sais, j'ai le potentiel de réaliser des bonnes choses. Donc, tu sais, j'y vais avec un peu plus une mentalité de je vais prendre des risques. C'est l'objectif aussi qu'on a discuté avec l'entraîneur. Ouais. Donc, j'arrive là-bas, c'est j'ai pas le choix. Faut que j'apprenne à prendre des risques, que tu sais, je montre qui je suis, que je suis là aux gens. Fait que c'est pas mal comme ça que je vois ça. Puis c'est une belle préparation parce que en Asie, les Asiatiques, c'est sûr qu'ils vont être prêts parce que c'est le test event. Tout le monde est supposé être prêt pour cette compétition-là. Est-ce que tu vois super intéressant. Est-ce que tu vois un psychologue sportif dans le sens de t'aider à prendre confiance en toi? Parce que ça fait plusieurs entrevues qu'on fait ensemble, puis c'est ça qui revient souvent. Est-ce que sûrement que tu vois ils t'ont fait voir un psychologue sportif, ça se peut quasiment pas. On a accès à un préparateur mental qui est aussi en compétition. Il est là dans pas mal. Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui. Puis justement, lui, il m'a référé à un psychologue. Puis j'ai commencé à consulter un psychologue. Puis je pense que ça va m'aider autant dans ma vie, dans ma carrière sportive que dans ma carrière personnelle. OK. En fait, ça m'a venu à Saint-Félicien. Comment tu as trouvé ça, de voir les jeunes, de voir que finalement. T'es rendu. Tu as toujours été dans l'ombre de Marianne à Saint-Félicien, là, mais là, les gens doivent commencer à te reconnaître un peu aussi, puis doivent te demander quelques petits conseils si t'es là aussi. Mm-hmm. Oui, mais quand on est allé à la compétition, je m'attendais à signer quelques autographes, mais je m'attendais pas à ce que les gens me reconnaissent autant. J'ai été vraiment surprise. Mais tu sais, pour moi, c'est tout le temps un plaisir de rencontrer les jeunes. C'est quand même une grande source d'inspiration pour moi de voir les jeunes comme ça, de voir leur sourire, de voir à quel point ça nous ramène un peu aux sources, puis ça me rappelle pourquoi j'ai commencé à patiner, puis moi, je trouve ça rafraîchissant de voir les jeunes. Ben oui. Redonner comme ça aux plus jeunes, c'est super important pour moi. T'as-tu vu beaucoup de potentiel encore, parce que le club de Chicoutimi, il y en a quand même plusieurs qui poussent, à Saint-Félicien, Catherine Mailloux, il y a Rosalie Tremblay, et on l'a Flavie Laroche également, qui est là-dedans aussi. Est-ce que tu vois quand même beaucoup de jeunes qui pourraient... Ici, à Dolbeau, on a Maud Tremblay, donc... et ainsi de suite. Est-ce que tu vois quand même qu'il y en a là-dedans, là, sans nommer de nom, qui pourraient être dans 4 ans à la place de Cassandra Ballet et Marianne Saint-Gelais? Ben, écoute, j'ai pas eu la chance de les voir patiner, mais j'ai confiance. On a un bon bassin en région. Je suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui peuvent percer. Faut juste travailler. Puis, tu sais... Faut juste savoir qu'il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie, il y a beaucoup de travail à faire. Fait qu'il faut jamais se décourager. Ça veut pas dire que dans 4 ans, on n'est pas. T'sais, le meilleur exemple, c'est les deux carrières, Mariam et moi, on a deux chemins totalement différents. Ah ouais. Mais faut jamais se décourager, il faut tout le temps continuer à travailler. Puis moi, j'ai confiance en ma région, je le sais qu'il sort des bons petits poussins. Fait que moi, je m'attends à m'en voir encore plus sur l'équipe dans les prochaines semaines. Et toi, t'es l'exemple vraiment de ténacité, de persévérance. T'as été blessé souvent, donc les jeunes qui ont plus de misère peuvent peut-être même plus se reconnaître en Cassandra Brunet qu'en Marianne. Marianne, c'était plus facile, c'était son talent à parler tout de suite. Toi, il a fallu que tu bûches puis tu travailles fort pour en arriver là, puis c'est tout à ton honneur. Puis les jeunes c'est important quand même à savoir que tu sais, c'est pas parce que tu as eu moins de blessures que on travaille pas autant. Tu sais, rendu où ce qu'on est là, faut travailler tous vraiment fort. Marianne, elle travaille super fort. Ah ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment deux chemins différents. C'est pas qu'elle a travaillé moins fort que moi parce qu'elle a pas eu de blessure. Fait que tu sais, c'est juste deux chemins différents, deux carrières différentes avec. C'est deux personnes différentes qui ont toutes deux des choses à apporter aux jeunes. Autant, son histoire est super intéressante aussi. Elle a beaucoup travaillé. Oui. Mais dans c'est juste une petite parenthèse comme ça. Oui, mais dans le sens que tu as eu des embûches, tu as eu beaucoup plus tu aurais pu te décourager, tu étais blessé souvent aussi. Donc, puis là, de te voir sur l'équipe nationale, ça peut-être inciter des jeunes qui ont de la misère, tu sais. Mais tu sais, moi, je le prends dans le sens que je suis mieux, je vais être bien outillée pour mon après-carrière. Effectivement. J'ai évolué dans un autre sens, j'ai appris autrement, j'ai appris d'autres choses. Tu sais, c'est jamais du perdu. Ouais, effectivement. On se reparle après la Coupe du Monde, Cassandra. Parfait. Le tour de patineuse de vitesse de Saint-Félicien, Cassandra.